Chapitre 16 de Les Dents du Tigre par Maurice Leblanc. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Lu par Bidou. Chapitre 16 Sésame, ouvre-toi. Malgré tout son pouvoir de sommeil, Don Luis ne dormit que 3 heures. Trop d'inquiétude le torturait. Et quoique son plan de conduite fût établi avec une rigueur mathématique, il ne pouvait s'empêcher de prévoir tous les obstacles susceptibles de s'opposer à la réalisation de ce plan. Évidemment, Weber parlerait à M. Desmalions, mais M. Desmalions téléphonerait-il à Valanglais ? Il téléphonera, affirma-t-il en frappant du pied. Cela n'engage à rien, et tout de même, il risquerait gros en ne le faisant pas, d'autant et surtout que Valanglais a dû être consulté sur mon arrestation, et qu'on le tient nécessairement au courant de tout ce qui se passe. Alors il se demandait à quoi Valanglais, une fois prévenu, pourrait bien se résoudre. Car enfin, était-il permis de supposer que le chef du gouvernement, que le président du Conseil des ministres se dérangerait pour obtempérer aux injonctions et pour servir les projets de M. Arsène Lupin ? Il viendra, s'écria-t-il avec la même voix obstinée. Valanglais se fiche pas mal du protocole et de toutes ces balivernes. Il viendra, quand ce ne serait que par curiosité, pour savoir ce que je peux bien lui dire. Et puis, quoi, il me connaît. Je ne suis pas un de ces types qui dérangent le monde sans raison. On tire toujours quelque profit d'une entrevue avec moi. Il viendra. Mais aussitôt, une autre question se présentait. La venue de Valanglais n'impliquait nullement un consentement au marché que voulait lui proposer Perenna. Et si là également, Don Luis arrivait à le convaincre, que de périls encore, que de points douteux, que de déceptions possibles. Weber poursuivrait-il l'automobile du fugitif avec assez de promptitude et d'audace? Retrouverait-il la piste? Et l'ayant retrouvée, ne la perdrait-il pas? Et puis, en supposant que toutes les chances fussent favorables, ne serait-il pas trop tard? On trinquait la bête fauve, on la forçait, soit. Mais n'aurait-elle pas égorgé sa proie? Se sentant vaincu, est-ce qu'un être de cette sorte hésiterait à ajouter un crime de plus à la liste de ses forfaits? Et cela, pour Don Luis, c'était l'épouvante suprême. Après toute la série d'obstacles que, en son imagination opiniâtrement confiante, il parvenait à surmonter, il aboutissait à cette vision horrible. Florence immolée, Florence morte. « Oh, quel supplice » balbutia-t-il. « Moi seul pouvais réussir, et l'on me supprime !» À peine s'il cherchait les motifs pour lesquels M. Desmalions, changeant soudain d'avis, avait consenti à le faire arrêter, et à ressusciter ainsi cet encombrant Arsène Lupin, dont la justice n'avait pas voulu s'embarrasser jusqu'alors. Non, cela n'intéressait point. Florence seule comptait, et les minutes passaient, et chaque minute perdue rapprochait Florence du précipice effroyable. Il se rappelait l'heure analogue, où, quelques années auparavant, il attendait de même que la porte de son cachot s'ouvrit et que l'empereur allemand apparut. Mais combien leur présence était plus solennelle. Jadis, il s'agissait de sa liberté, tout au plus. Maintenant, c'était la vie de Florence que le destin allait lui offrir ou lui refuser. « Florence, Florence » répétait-il avec désespoir. Il ne doutait plus qu'elle fût innocente, et il ne doutait pas non plus que l'autre l'aimât et lui enlevait, non pas tant comme le gage d'une fortune convoitée, que comme un butin d'amour que l'on détruit, si on ne peut le garder. Florence, Florence !» Il traversa une crise d'abattement extraordinaire. Sa défaite lui semblait irrémédiable. Courir après Florence, rattraper le meurtrier, il n'était pas question de cela. Il était en prison, sous son nom d'Arsène Lupin, et tout le problème consistait à savoir combien de temps il y demeurerait, des mois ou des années. Alors, il eut la notion exacte de ce qu'était son amour pour Florence. Il s'aperçut qu'elle tenait dans sa vie toute la place que n'y tenait plus ses passions d'autrefois, ses appétits de luxe, ses besoins d'autorité, ses joies de lutteur, ses ambitions, ses rancunes. Depuis 2 mois, il ne combattait que pour la conquérir. La recherche de la vérité, comme le châtiment du coupable, ce n'était que des moyens de sauver Florence des périls qui la menaçaient. Si Florence devait mourir, s'il était trop tard pour l'arracher à l'ennemi, en ce cas, autant rester en prison. Arsène Lupin au bagne jusqu'à la fin de ses jours. N'était-ce pas le dénouement qui convenait à l'existence manquée d'un homme qui n'avait même pas su se faire aimer de la seule femme qu'il eût réellement aimée? Crise passagère. En contraste trop violent avec le caractère de Don Luis, elle se termina subitement, et par un état de confiance absolue où il n'entrait plus la plus petite part d'inquiétude ou de doute. Le soleil s'était levé, la cellule s'emplissait d'une lumière croissante, et Don Luis se rappela que Valanglais arrivait à son ministère de la place Beauvau à 8 heures du matin. Dès lors, il se sentit absolument calme. Les événements prochains se présentèrent à lui sous un aspect tout à fait différent. comme s'ils se fussent, pour ainsi dire, retournés. La lutte lui sembla facile, les réalités sans complications. Il comprit, aussi clairement que si les actes étaient exécutés, que sa volonté ne pouvait pas n'être pas obéie. Fatalement, le sous-chef avait dû faire un rapport fidèle au préfet de police. Fatalement, le préfet de police avait dû transmettre dès le matin à Valenglay la demande d'Arsène Lupin. Fatalement, Valenglay s'offrirait le plaisir d'une entrevue avec Arsène Lupin. Fatalement, Arsène Lupin obtiendrait, au cours de cette entrevue, l'assentiment de Valenglay. Ce n'était pas là des hypothèses, mais des certitudes. Non pas des problèmes à résoudre, mais des problèmes résolus. Étant donné le point de départ A, si l'on passe sur les points B et C, on arrive, qu'on le veuille ou non, au point D. Don Luis se mit à rire. « Voyons, mon vieil Arsène, réfléchis que tu as fait venir M. Hohenzollern du fond de ses marches de Brandebourg. Valenglay n'habite pas si loin, que diable. Et au besoin, tu peux te déranger. C'est ça, je consens à faire le premier pas. C'est moi qui rendrai visite à M. de Beauvau. Monsieur le Président, mes hommages respectueux. » Joyeusement, il s'avança vers la porte, affectant de croire qu'elle était ouverte, et qu'il n'avait qu'à passer pour prendre son tour d'audience. Trois fois, il répéta cet enfantillage, saluant très bas et longuement, comme s'il eût tenu à la main un feutre à panache, et murmurant « Sésame, ouvre-toi » La quatrième fois, la porte s'ouvrit. Un gardien apparut. Il lui dit d'un ton cérémonieux « Je n'ai pas trop fait attendre Monsieur le Président du Conseil ?» Il y avait quatre inspecteurs dans le couloir. « Ces messieurs sont d'escorte ? » dit-il. « Allons-y. Vous annoncerez Arsène Lupin, grand d'Espagne, cousin de Sa Majesté très catholique. Messeigneurs, je vous suis. Guichetier, 20 écus pour tes bons soins, mon ami. » Il s'arrêta dans le couloir. « Père Christo, pas même une paire de gants et ma barbe est d'hier. » Les inspecteurs l'avaient encadré et le poussaient avec une certaine brusquerie. Il en saisit deux par le bras. Ils eurent un gémissement. « À bon entendeur, salut, dit-il. Vous n'avez pas l'ordre de me passer à tabac, n'est-ce pas ? Ni même de me mettre les menottes. En ce cas, soyons sages, jeunes gens. » Le directeur se tenait dans le vestibule. Il lui dit « Excellente nuit, mon cher directeur. Vos chambres au Towing Club sont tout à fait recommandables. Un bon point pour l'hôtel du dépôt. Voulez-vous mon attestation sur votre livre d'écrou ? Non ? Vous espérez peut-être que je vais revenir. Hélas, mon cher directeur, n'y comptez pas. D'importantes occupations. » Dans la cour, une automobile stationnait. Ils y montèrent, les quatre agents et lui. « Place Beauvau, » dit-il au chauffeur. « Ruvineuse, » rectifia l'un des agents. « Oh, oh !» fit-il. « Au domicile particulier de Son Excellence. Son Excellence préfère que ma visite soit secrète, c'est bon signe. À propos, chers amis, quelle heure avons-nous ?» Sa question demeura sans réponse. Et comme les agents avaient fermé les rideaux, il ne put consulter les horloges publiques. Ce fut seulement chez Valenglay, dans le petit rez-de-chaussée que le président du conseil habitait auprès du Trocadéro, qu'il vit une pendule. « 7h30 » s'écria-t-il. « Parfait, il n'y a pas trop de temps perdu. La situation s'éclaircit. » Le bureau de Valenglay ouvrait sur un perron qui dominait un jardin rempli de volières. La pièce était encombrée de livres et de tableaux. Sur un coup de timbre, les agents sortirent, conduits par la vieille bonne qui les avait fait entrer. Don Luis resta seul. Toujours calme, il éprouva cependant une certaine inquiétude, un besoin physique d'agir et de lutter, et ses yeux revenaient invinciblement au cadran de la pendule. La grande aiguille lui semblait animée d'une vie extraordinaire. Enfin, quelqu'un entra, qui précéda une autre personne. Il reconnut Valenglay et le préfet de police. « Ça y est, pensa-t-il, je le tiens. » Il voyait cela à l'espèce de sympathie confuse que l'on pouvait discerner sur le visage osseux et maigre du vieux président. Aucune trace de morgue, rien qui élevât une barrière entre le ministre et l'équivoque personnage reçu par lui. De l'enjouement, une curiosité manifeste et de la sympathie. Oui, une sympathie que Valenglay n'avait jamais cachée, et dont même il se targuait lorsque, après la mort simulée d'Arsène Lupin, il parlait de l'aventurier et des rapports étranges qu'ils avaient eus ensemble. « Vous n'avez pas changé, » dit-il, après l'avoir considéré longuement. « Plus noir de peau, les tempes un peu plus grisonnantes, voilà tout. » Et il demanda, d'un ton de brusquerie, un homme qui va droit au but. « Et alors, qu'est-ce qu'il vous faut ? » ?»« Une réponse d'abord, monsieur le président du conseil. Le sous-chef Weber, qui m'a conduit au dépôt cette nuit, a-t-il retrouvé la piste de l'automobile qui emporta Florence Levasseur ? » ?»« Oui, cette automobile s'est arrêtée à Versailles. Les personnes qui l'occupaient ont loué une autre voiture qui doit les conduire à Nantes. » En plus de cette réponse, que demandez-vous ? La clé des champs, monsieur le président. Tout de suite, bien entendu, fit Valenglay qui se mit à rire. Dans 40 ou 50 minutes au plus. À 8h30, n'est-ce pas ? Dernière limite, monsieur le président. Et pourquoi la clé des champs ? Pour rejoindre l'assassin de Cosmo Mornington, de l'inspecteur Véro et de la famille Roussel. Vous seul pouvez donc le rejoindre ? Oui. Cependant, la police est sur pied, le télégraphe marche, l'assassin ne sortira pas de France, il ne nous échappera certainement pas. Vous ne pourrez pas le découvrir, nous le pourrons. En ce cas, il tuera Florence Levasseur. Ce sera la 7e victime du bandit, vous l'aurez voulu. Valenglay fit une petite pause, puis reprit. Selon vous, contrairement à toutes les apparences, et contrairement aux soupçons très motivés de monsieur le préfet de police, Florence Levasseur est innocente. Oh, absolument innocente, monsieur le président. Et vous la croyez en danger de mort. Elle est en danger de mort. Vous aimez Florence Levasseur. Je l'aime. Valenglay eut un petit frisson de joie. Lupin amoureux. Lupin agissant par amour et avouant son amour. Quelle aventure passionnante. Il dit. J'ai suivi l'affaire Mornington jour par jour, et nul détail ne m'en est inconnu. Vous avez accompli des prodiges, monsieur. Il est évident que sans vous, cette affaire ne serait jamais sortie des ténèbres du début. Mais, cependant, je dois noter qu'il y a eu quelques fautes. Et ces fautes, qui m'étonnaient de votre part, s'expliquent plus facilement quand on sait que l'amour était le principe et le but de vos actes. D'autre part, et malgré votre affirmation, la conduite de Florence Levasseur, son titre d'héritière, son évasion imprévue de la maison de santé, nous laisse peu de doute sur le rôle qu'elle joue. Donne Louise désigna la pendule. « Monsieur le Président, l'heure avance !» Valenglay éclata de rire. « Quel original !» Donne Louise Perena, je regrette de n'être pas quelque souverain omnipotent. Vous seriez le chef de ma police secrète. C'est un poste que l'ex-empereur d'Allemagne m'a déjà offert. Ah, bah, et que j'ai refusé. Valenglay rit de plus belle. Mais la pendule marquait 7h15. Donne Louise s'inquiétait. Valenglay s'assit, et entrant sans plus tarder, au cœur même du sujet, il dit, d'une voix sérieuse. Donne Louise Perena, du premier jour où vous avez reparu, c'est-à-dire au moment même des crimes du boulevard Suchet, monsieur le préfet de police et moi, nous étions fixés sur votre identité. Perena, c'était Lupin. Je ne doute pas que vous n'ayez compris les raisons pour lesquelles nous n'avons pas voulu ressusciter le mort que vous étiez, et pour lesquelles nous vous avons accordé une sorte de protection. Monsieur le préfet de police était absolument de mon avis. L'œuvre que vous poursuiviez était une œuvre de salubrité et de justice, et votre collaboration nous était trop précieuse pour que nous ne cherchions pas à vous épargner tout ennui. Donc, puisque Don Perena menait le bon combat, nous avons laissé dans l'ombre Arsène Lupin. Malheureusement, Valenglay fit une nouvelle pause et déclara « Malheureusement, monsieur le préfet de police a reçu hier dans la soirée une dénonciation très détaillée, avec preuve à l'appui, vous accusant d'être Arsène Lupin. « Impossible !» s'écria Don Luis. « C'est là un fait que personne au monde ne peut matériellement prouver. Arsène Lupin est mort. »« Soit !» accorda Valenglay. « Mais cela ne démontre pas que Don Luis Perena soit vivant. »« Don Luis Perena existe, d'une vie très légale, monsieur le Président. »« Peut-être, mais on le conteste. »« Qui ? Un seul être aurait ce droit. »« Mais en m'accusant, il se perdra lui-même. »« Je ne le suppose pas assez stupide. »« Assez stupide, non. »« Mais assez fourbe, oui. »« Il s'agit du sieur Caceres ? Attaché à la légation du Pérou ? Oui, mais il est en voyage. »« Il est même en fuite, après avoir fait main basse sur la caisse de la légation. »« Mais avant de s'enfuir à l'étranger... » Il a signé une déclaration qui nous est parvenue hier soir, et par laquelle il affirme vous avoir confectionné tout un état civil, au nom de Don Luis Perena. Voici votre correspondance avec lui, et voici tous les papiers qui établissent la véracité de ses allégations. Il suffit de les examiner pour être convaincu, premièrement, que vous n'êtes pas Don Luis Perena, deuxièmement, que vous êtes Arsène Lupin. Don Luis eut un geste de colère. Ce gredin de Caceres n'est qu'un instrument, grinça-t-il. C'est l'autre qui est derrière lui, qui l'a payé et qui l'a fait agir. C'est le bandit lui-même. Je reconnais sa main. Une fois de plus, et au moment décisif, il a voulu se débarrasser de moi. Je le crois volontiers, fit le président du conseil. Mais comme tous ces documents, selon la lettre qui les accompagne, ne sont que des photographies, et que si vous n'êtes pas arrêté ce matin, les originaux seront remis ce soir à un grand journal de Paris, nous devons faire état de la dénonciation. Mais monsieur le président, s'écria Don Luis, puisque Caceres est à l'étranger, et que le bandit qui lui a acheté les documents a dû s'enfuir également, avant d'avoir pu mettre sa menace à exécution. Il n'y a pas à craindre maintenant que les documents soient livrés aux journaux. Qu'en savons-nous ? L'ennemi a pu prendre ses précautions, il peut avoir des complices. Il n'en a pas. Qu'en savons-nous ? Don Luis regarda Valenglay et lui dit. Où donc voulez-vous en venir, monsieur le président ? À ceci, bien que nous fussions pressés par les menaces du sieur Caceres, monsieur le préfet de police, désireux de faire toute la lumière possible sur le rôle de Florence Levasseur, n'a pas interrompu votre expédition d'hier soir. Cette expédition n'ayant pas abouti, il a voulu tout au moins profiter de ce que Don Luis s'était mis à notre disposition pour arrêter Arsène Lupin. Si nous le relâchons, les documents seront sans doute publiés. Et vous voyez la situation absurde et ridicule où cela nous mettra devant le public. Or, c'est précisément à ce moment-là que vous demandez la mise en liberté d'Arsène Lupin. Mise en liberté illégale, arbitraire, inadmissible. Je suis donc contraint de vous la refuser. Et je la refuse. Il se tut. Puis, au bout de quelques secondes, ajouta « À moins que ?» demanda Don Luis. « À moins que ?» Et c'est à quoi je voulais arriver. « À moins que vous ne me proposiez, en échange, quelque chose de si extraordinaire et de si formidable que je consente à risquer des ennuis qui peuvent attirer la mise en liberté absurde d'Arsène Lupin. Mais, monsieur le Président, il me semble que si je vous apporte le vrai coupable, l'assassin de... Je n'ai pas besoin de vous pour cela. Et si je vous donne ma parole d'honneur, monsieur le Président, de revenir aussitôt mon œuvre accomplie et de me constituer prisonnier ?» Valenglay haussa les épaules. « Et après ?» Il y eut un silence. La partie devenait serrée entre les deux adversaires. Il était évident qu'un homme comme Valenglay ne se contenterait pas de mots et de promesses. Il lui fallait des avantages précis, en quelque sorte palpables. Don Luis reprit. « Peut-être, monsieur le Président, me permettrez-vous de faire entrer en ligne de compte certains services que j'ai rendus à mon pays ? Expliquez-vous. » Don Luis, après quelques pas à travers la pièce, revint en face de Valenglay et lui dit « Monsieur le Président, au mois de mai 1915, vers la fin de la journée, trois hommes se trouvaient sur la berge de la Seine, au quai de Passy, à côté d'un tas de sable. La police cherchait, depuis des mois, un certain nombre de sacs contenant 300 millions en or, patiemment recueillis en France par l'ennemi et sur le point d'être expédiés. Deux de ces hommes s'appelaient l'un Valenglay, l'autre Desmalions. Le troisième, qui les avait conviés à ce rendez-vous, pria le ministre Valenglay d'enfoncer sa canne dans le tas de sable. L'or était là. Quelques jours après, l'Italie, qui avait instamment demandé une avance de 400 millions en or, se rangeait aux côtés de la France. Valenglay sembla très étonné. Personne n'a su cette histoire. Qui vous l'a raconté ? Le troisième personnage. Et ce troisième personnage s'appelait Don Luis Perena. Vous ? Vous ? S'écria Valenglay. C'est vous qui avez découvert la cachette ? C'est vous qui étiez là ? C'est moi, monsieur le Président. Vous m'avez demandé alors comment vous pouvez me récompenser ? C'est aujourd'hui que je réclame ma récompense. La réponse ne tarda pas. Elle fut précédée d'un petit éclat de rire plein d'ironie. Aujourd'hui ? C'est-à-dire 4 ans après ? C'est bien tard, monsieur. Tout cela est réglé. La guerre est finie. Ne déterrons pas les vieilles histoires. Don Luis parut un peu déconcerté. Cependant, il continua. En 1917, une épouvantable aventure se déroula dans l'île de Sarek. Vous la connaissez, monsieur le Président, mais vous ignorez certainement l'intervention de Don Luis Perena et les projets que celui-ci... Valenglay frappa du poing sur la table et, enflant la voix, apostrophant son interlocuteur avec une familiarité qui ne manquait pas d'allure. « Allons, Arsène Lupin, jouez franc jeu. Si vous tenez vraiment à gagner la partie, payez ce qu'il faut. Vous me parlez de services passés ou futurs ? Est-ce ainsi qu'on achète la conscience de Valenglay quand on s'appelle Arsène Lupin ? Que diable ! Songez qu'après toutes vos histoires... Et surtout, après les incidents de cette nuit, Florence Levasseur et vous, vous allez être pour le public, et vous êtes déjà, les auteurs responsables du drame, que dis-je, les vrais et les seuls coupables. Et c'est lorsque Florence a pris la poudre d'escampette que vous me demandez, vous, la clé des champs. Soit, mais sacrebleu, mettez-y le prix, et sans barguigner. Don Luis se remit à marcher. Un dernier combat se livrait en lui. Au moment de découvrir son jeu, une hésitation suprême le retenait. Enfin, il s'arrêta de nouveau. La décision était prise. Il fallait payer. Il paierait. « Je ne marchande pas, monsieur le Président, » affirma Don Luis avec une grande loyauté d'attitude et de visage. « Ce que j'ai à vous offrir est certes beaucoup plus extraordinaire, plus formidable que vous ne l'imaginez. Mais cela serait-il plus extraordinaire encore et plus formidable que cela ne compterait pas, puisque la vie de Florence Levasseur est en danger. Cependant, mon droit était de chercher une transaction moins désavantageuse. Vos paroles m'en interdisent l'espoir. » Je mettrai donc toutes mes cartes sur la table, comme vous l'exigez, et comme j'y étais résolu. » Le vieux président exultait. Quelque chose de formidable et d'extraordinaire. En vérité, qu'est-ce que cela pouvait bien être ? Quelle proposition pouvait mériter de telles épithètes ? Parlez, monsieur. Don Luis Perena s'assit en face de Valenglay, ainsi qu'un homme qui traite, avec un autre, d'égal à égal. Ce sera bref. Une seule phrase, monsieur le président, résumera le marché que je propose au chef du gouvernement de mon pays. « Une seule phrase ? Une seule phrase !» affirma Don Luis, et plongeant ses yeux dans les yeux de Valenglay, lentement, syllabe par syllabe, il lui dit « Contre 24 heures de liberté, pas davantage, contre l'engagement d'honneur de revenir ici demain matin et d'y revenir avec Florence pour vous donner toutes les preuves de mon innocence, soit sans elle pour me constituer prisonnier, je vous offre, il prit un temps et acheva d'une voix grave, je vous offre un royaume, monsieur le président du conseil. La phrase était énorme, burlesque, bête à faire hausser les épaules. Une de ces phrases que seul peut émettre un imbécile ou un fou. Pourtant, Valenglay demeura impassible. Il savait qu'en de pareilles circonstances, cet homme-là ne plaisantait pas. Et il le savait tellement que, par instinct, habitué qu'il était aux grosses questions politiques, où le secret est si important, il jeta un coup d'œil sur le préfet de police, comme si la présence de M. Desmalions l'eût gêné. « J'insiste vivement, » fit Don Luis, « pour que le monsieur le préfet de police veuille bien écouter ma communication. Mieux que personne, il en appréciera la valeur, et pour certaines parties, il en attestera l'exactitude. D'ailleurs, je suis certain que M. Desmalions ne voudrait pas me désobliger par une indiscrétion. » Valenglay ne put s'empêcher de rire. « À lui aussi, vous avez rendu service, peut-être ? Justement, monsieur le président. Je serais curieux de savoir, » fit M. Desmalions. « Si vous y tenez. Donc, le soir de notre conciliabule, sur la berge du quai de Passy, il y a 4 ans, je vous ai promis, monsieur Desmalions, alors que vous n'étiez que fonctionnaire subalterne, de vous faire nommer préfet de police. J'ai tenu parole. Votre nomination fut demandée par 3 ministres sur qui j'avais barre. Dois-je les désigner ? Inutile ! S'exclama Valenglay en riant de plus belle. Inutile, je vous crois. Je crois à votre toute-puissance. Quant à vous, Desmalions, ne faites pas cette tête. Il n'y a pas de déshonneur à être l'objet d'un tel homme. Parlez, Lupin. » Sa curiosité n'avait plus de bornes. Que la proposition de Don Luis pût avoir des conséquences pratiques, il s'en souciait peu. Même au fond, il n'y croyait pas. Ce qu'il voulait, c'était savoir jusqu'où ce diable d'individu avait poussé l'audace, et sur quelle aventure prodigieuse et nouvelle s'appuyaient des prétentions qu'il exprimait avec tant de sérénité et de candeur. « Vous permettez ?» fit Don Luis. Se levant et s'avançant vers la cheminée, il décrocha une petite carte murale qui représentait le nord-ouest de l'Afrique. Puis, tout en étalant cette carte sur la table, à l'aide d'objets un peu lourds posés aux 4 coins, il reprit. « Il y a une chose, monsieur le président, une chose qui intrigua monsieur le préfet de police, et à propos de laquelle j'ai su qu'il avait exécuté des recherches, c'est l'emploi de mon temps, disons plutôt du temps d'Arsène Lupin, durant ces 3 dernières années, et en particulier pendant qu'il était à la Légion étrangère. Ces recherches furent exécutées sous mon ordre, interrompit Valenglay. Et elles aboutirent à rien. De sorte que, en définitive, vous ignorez ma conduite au cours de la guerre. Je l'ignore. Je vais vous la dire, monsieur le préfet. D'autant qu'il est de toute justice que la France sache ce qu'a fait pour elle un de ses fils les plus dévoués. Sans quoi on pourrait m'accuser un jour ou l'autre de m'être embusqué, ce qui serait fort injuste. Vous vous souvenez peut-être, monsieur le président, que je m'étais engagé dans la Légion étrangère à la suite de désastres intimes vraiment effroyables et après une vaine tentative de suicide. Je voulais mourir. Et je pensais qu'une balle marocaine me donnerait le repos auquel j'aspirais. Le hasard ne le permit pas. Ma destinée n'était pas achevée, paraît-il. Alors il arriva ce qui devait arriver. Peu à peu, à mon insu, la mort se dérobant, je repris goût à la vie. Quelques faits d'armes assez glorieux m'avaient rendu toute ma confiance en moi et tout mon appétit d'action. De nouveaux rêves m'envahirent. Un nouvel idéal me conquit. Il me fallut de jour en jour plus d'espace, plus d'indépendance, des horizons plus larges, des sensations plus imprévues. Et plus personnel. La Légion, si grande que fut ma tendresse pour cette famille héroïque et cordiale qui m'avait accueilli, ne suffisait plus à mes besoins d'activité. Et déjà, je me dirigeais vers un but grandiose, que je ne discernais pas très bien encore, mais qui m'attirait mystérieusement. Lorsque j'appris en novembre 1914 que l'Europe était en guerre, j'avais alors des amis très puissants à la cour d'Espagne. À la suite de négociations entre Madrid et Paris, je fus réclamé à Madrid, puis envoyé en mission secrète à Paris. C'était mon but. Je voulais voir sur place comment m'employer au mieux des intérêts français. Je réussis 3 ou 4 affaires importantes, comme celle des 300 millions d'or, et participai ainsi à l'entrée en guerre de l'Italie. Mais tout cela me semblait, je l'avoue, plutôt secondaire. J'avais mieux à tenter, et maintenant je savais quoi. J'avais discerné le point faible, par où la France pouvait être mise en infériorité. Le but que je cherchais se dévoilait à mes yeux. Ma mission finie, je retournais au Maroc. 1 mois après mon arrivée, expédié dans le sud, je me jetais dans une embuscade de berbères, et volontairement, bien qu'il m'eût été facile de lutter, je me laissais prendre. Toute mon histoire est là, monsieur le président. Prisonnier, j'étais libre. Une autre vie, la vie que j'avais désirée, s'ouvrait devant moi. L'aventure, cependant, faillit tourner mal. Mes 4 douzaines de berbères, groupe détaché, d'importantes tribus nomades, qui pillaient et rançonnaient les pays situés sur les chaînes moyennes de l'Atlas, rejoignirent tout d'abord les quelques tentes où campaient, sous la garde d'une dizaine d'hommes, les femmes de leur chef. On plia bagage et l'on partit. Après 8 jours de marche, qui me furent assez pénibles, car je suivais, les bras liés au dos, des gens à cheval, on s'arrêta sur un plateau étroit que dominaient des escarpements rocheux, et où je remarquai, parmi les pierres, beaucoup d'ossements humains et des débris de sabres et d'armes françaises. Là, on planta un poteau en terre et on m'y attacha. Aux allures de mes ravisseurs, et d'après quelques mots entendus, je compris que ma mort était décidée. On devait me couper les oreilles, le nez, la langue, puis sans doute la tête. Pourtant, ils commencèrent par préparer leur repas. Ils allèrent au puits voisin, ils mangèrent, et ils ne s'occupaient plus de moi, que pour me décrire en riant les gentillesses qu'ils me réservaient. Il se passa une nuit encore. La torture était remise au matin, heure plus propice à leur gré. De fait, au petit jour, ils m'entourèrent en poussant des cris et des rugissements, auxquels se mêlait la clameur aiguë des femmes. Lorsque mon ombre cacha une ligne qu'ils avaient tracée la veille sur le sable, ils se turent, et l'un d'eux, chargé des opérations chirurgicales à mon endroit, s'avança et m'enjoignit de tirer la langue. J'obéis. Il la saisit alors avec un coin de son burnous, et de l'autre main, il sortit son poignard du fourreau. Je n'oublierai jamais la férocité, et en même temps, la joie ingénue de son regard. Un regard d'enfant mauvais, qui s'amuse à casser les ailes et les pattes d'un oiseau. Et je n'oublierai jamais non plus la stupeur de cet homme, quand il s'aperçut que son poignard ne se composait plus que d'un pommeau et d'un tronçon de lame, inoffensif et de dimensions ridicules. Tout juste assez long pour tenir dans le fourreau. Sa rage s'exprima par une crise de vocifération, et aussitôt, il se jeta sur un camarade et lui arracha son poignard. Stupeur identique. Ce deuxième poignard était également brisé, presque au ras de la poignée. Alors ce fut un tumulte général, et chacun brandit son couteau. Un hurlement de fureur s'éleva. Il y avait là 45 hommes. Les 45 couteaux étaient cassés. Le chef sauta sur moi, comme s'il m'eût rendu responsable d'un phénomène aussi incompréhensible. C'était un grand vieillard sec, un peu bossu, borgne, hideux à voir. Il braquait à bout portant un énorme pistolet, et il me parut si vilain que j'éclatais de rire. Il appuya sur la détente, le coup rata. Il appuya une seconde fois, le second coup rata. Tous aussitôt, gesticulant, se bousculant et tonitruant, ils bondirent autour du poteau auquel j'étais attaché, et me visèrent de leurs armes diverses, fusils, pistolets, carabines, vieux tromblons espagnols. Les chiens claquèrent, mais les fusils, pistolets, carabines et tromblons d'Espagne ne partirent pas. Quel miracle ! Il fallait voir leur tête. Je vous jure que jamais je n'ai tant ri, ce qui achevait de les déconcerter. Les uns coururent aux tentes, renouvelaient leurs provisions de poudre. Les autres rechargeaient leurs armes en toute hâte. Nouvel échec, j'étais invulnérable et je riais. Cela ne pouvait pas se prolonger. 20 autres moyens de m'exterminer s'offraient à eux. Ils avaient leurs mains pour m'étrangler, la crosse de leur fusil pour m'assommer, des cailloux pour me lapider, et ils étaient plus de 40. Le vieux chef saisit une pierre massive et s'approcha, le visage effroyable de haine. Il se dressa, leva avec l'aide de 2 de ses hommes l'énorme bloc au-dessus de ma tête, et le laissa retomber devant moi sur le poteau. Spectacle ahurissant pour le malheureux vieillard, j'avais, en une seconde, détaché mes liens et bondi en arrière. Et j'étais debout, planté à 3 pas de lui, les poings tendus, et tenant dans ses poings crispés les 2 revolvers que m'avait confisqués le jour de ma capture. Ce qui se passa fut l'affaire de quelques secondes. Le chef, à son tour, se mit à rire comme j'avais ri, d'un rire sarcastique. Pour lui, dans le désordre de sa cervelle, ces 2 revolvers dont je le menaçais ne devaient pas et ne pouvaient pas avoir plus d'effet que les armes inutiles qu'il m'avait épargnées. Il ramassa un gros caillou et leva la main, prêt à me le jeter à la figure. Et ses 2 acolytes en furent autant. Et tous l'eurent également imité. « Bats les pattes, je tire » criai-je. Le chef lança son caillou. Je baissai la tête. En même temps, 3 détonations retentirent. Le chef et ses 2 acolytes tombèrent, foudroyés. « Le premier de ces messieurs ?» demandai-je en regardant le reste du troupeau. Il restait 42 Marocains. J'avais encore 11 balles. Comme il ne bougeait pas, je passai un de mes revolvers sous le bras et je sortis de ma poche 2 petites boîtes de cartouches, c'est-à-dire 50 autres balles. Et de ma ceinture, j'extirpai 3 beaux couteaux effilés et pointus. La moitié de la troupe fit le signe de la soumission et se rangea derrière moi. La seconde moitié capitula aussitôt. La bataille était finie. Elle n'avait pas duré 4 minutes. Fin du chapitre 16.